inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Voilà. Nos pas Saran. Grève générale. Il n'y a rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur FPP 106.3, l'émission Au fond près du radiateur. Ce soir, toujours Lucien La Technique, moi-même Moustapha. Et nous avons Mohamed, qui est là en tant que médiateur et qui va nous parler un petit peu de son travail, de sa vision de l'éducation nationale, de ce qui se passe ou pas, ou de ce qu'il ressent. On a Aboubacar du collectif des foyers de la Plaine Commune, et nous avons Condé de la CSP 75. Du coup, on va aborder la manif du 17 mars, de pourquoi vous êtes là, et pourquoi vous appelez à manifester, parce que vous êtes de nombreuses organisations, associations, collectifs ou individus tout court, qui appellent à manifester. Cette manif, elle appelle sur plusieurs mots d'ordre différents. Il y a la dimension du racisme d'État, il y a la dimension de la libre circulation, de la régularisation, la dimension des violences policières et pas mal d'autres choses. Il y a un d'entre vous qui voudrait se lancer en premier. D'accord. Et bonjour, monsieur Moustapha. Bonjour, monsieur Lucien. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de parler de la manif du 17 mars. Aujourd'hui, je suis là à 106.3 pour parler de cette manif. Je profite de cette occasion pour appeler les Français, les Françaises, tout le monde ici en France, de sortir massivement le 17 mars de l'Opéra à Stalingrad à partir de 14h pour lutter contre la violence policière, pour dénoncer le racisme, pour dénoncer le rafle dans les foyers et la fermeture des foyers. Aujourd'hui, j'en appelle ensuite la population française pour sortir massivement pour dire non à cette nouvelle loi de Macron de Colomb qui aujourd'hui en train de signer le deuil de l'immigration. Aujourd'hui, le deuil aujourd'hui des sans-papiers qui met encore les sans-papiers dans une situation de précarité totale. Je profite de cette occasion, j'appelle les Français de sortir massivement le 17 pour dire non, pour taper bien les pavés ici en France. Condé, est-ce que tu peux nous expliquer ce que change cette loi par rapport à la situation des sans-papiers? Cette loi est très dure. Cette loi est très dure en ce sens que le temps, le délai de rétention dans les centres de rétention passe de 45 jours à 90 jours. Aujourd'hui, je n'appelle même plus un temps de rétention, ça devient une prison. Si ça passe de 45 jours à 90 jours, ça devient une prison, voire 135 jours. Parce que la loi dit que le juge a la possibilité de prolonger 15 jours, 3 fois 15 jours, pour avoir pour avoir encore plus de détails sur le sans-papier, pour avoir plus de détails sur le retenu. Ça, c'est un. Deuxièmement, si aujourd'hui, on a un OQTF, on ne peut plus avoir la possibilité de déposer une nouvelle demande. On est obligé de quitter les territoires. Depuis 40 ans, on n'a jamais vu cette loi ici en France. Avant, on pouvait, si pendant un an, tu n'étais pas repris dans le cadre de ton OQTF, elle était quasiment prescrite, en fait. Au bout d'un an, tu pouvais de nouveau repasser sur le même schéma si tu te faisais prendre par la police ou quoi que ce soit, mais tu avais possibilité de rester pendant un an et de te planquer. Maintenant, tu l'as plus. Nous, on n'a plus. Parce qu'aujourd'hui, autrefois, quand on avait un OQTF, c'était un délai de 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Après l'expiration de ce délai, il y avait le sans-papier avait la possibilité de faire une nouvelle demande. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire une nouvelle demande. Quand on fait une nouvelle demande, on te donne une interdiction de séjour sur le territoire français. Du coup, on ne réexamine pas ta situation. Tu peux avoir eu des enfants entre-temps, tu peux avoir un travail, tu peux avoir quoi que ce soit. On te reprend une OQTF directement sans étudier ta situation. C'est ça. Donc et puis, ça pousse à mettre le sans-papier dans une situation encore de précarité totale. Donc, c'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire aux Françaises, pour dire aux Français de sortir massivement pour dire non à cette loi, le Macron. Nous, on ne demande pas la violence. On demande seulement un retrait pur et simple de cette loi. On va enchaîner avec Aboubacar. On va revenir avec Kanté tout à l'heure. Aboubacar, qu'est-ce qui motive les collectifs des foyers, enfin la coordination des foyers en fait, et notamment la tienne, celle de pleine commune. Je suis désolé, là je bafouille un petit peu parce qu'il y a Ramata qui vient d'arriver, du collectif Bivolé, et qu'on accueille. Tu peux prendre une chaise, t'installer, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Et du coup j'ai présenté les invités en fait, Ramata, là je remets plutôt Ramata dans le bas. Ils se sont présentés un petit peu, il y a Kanté qui a commencé à parler, Kanté plutôt, au nom de la CSP 75. Boubacar, il va prendre la parole pour nous expliquer pourquoi il appelle à manifester le 17 mars. Et il fait partie d'un collectif de foyers, notamment ceux de la Plaine commune. Mohamed, qui est médiateur dans un collège à Saint-Denis, même, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de Saint-Denis, l'éducation nationale, tout ça, et d'un film, qui voulait en parler. Et voilà. Et du coup, c'était la parole à notre très cher ami, Aboubacar. Bonsoir à tous. Merci. Les résidents des foyers et résidences sociales en appellent aussi à manifester le 17 mars 2018, tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de sas aux migrants, on ne peut pas parler de racisme sans parler de foyers. Les services préfectoraux, tous les services préfectoraux, désigne les foyers comme les nids de l'immigration clandestine en France. Donc, c'est pourquoi nous subissons en permanence cet acharnement policier. Et qui dit acharnement policier dit violence policière. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu veux dire que la police, elle met spécialement sous pression les résidents des foyers. La police par rapport aux foyers, c'est très, très, très difficile et très dangereux. Parce qu'il y a un rapport qui est différent quand ils interviennent dans un foyer par rapport à un quartier, à un autre quartier. Parce que la police a un droit de réquisition permanente dans les foyers. C'est, bon, je ne sais pas si c'est la loi. La loi les permet ça, mais... Et ils se disent que ce sont les gestionnaires ou les propriétaires des foyers, des établissements, qui ont l'ont octroyé ce droit-là. Donc ça, cela veut dire qu'ils ont le droit d'intervenir dans les foyers sans mandat de la justice, n'importe comment et n'importe quand. Et sur l'invitation de la direction des foyers en général. Non, pas forcément. Parce qu'une fois que les gestionnaires signent un droit de réquisition permanente, la police peut intervenir, comme bon lui semble. Ils ne sont pas obligés à chaque intervention d'avertir ou de demander l'autorisation. Non, ils l'ont donné permanemment. Donc, du coup, il y a tout un abus. Derrière, il y a les préfets envoient la police. C'est-à-dire, les foyers, quand vous êtes immigré en France aujourd'hui, que vous êtes noir et résident d'un foyer, vous n'êtes pas du tout en sécurité, même dans votre maison. Parce que le foyer, c'est dans la maison. Quand tu dis en sécurité, ce n'est pas par rapport à une criminalité qui est dans les foyers, c'est par rapport à autre chose. Par rapport à la police. Parce que la police peut venir au foyer pour un prétexte et il embarque tout le monde, ils emmerdent tout le monde. Ils vont tousser un large éventail de victimes, même ceux qui n'ont rien à voir avec ces problèmes-là. Et en dehors de ça, les contrôles d'identité, les contrôles, j'ai dit, les foyers sont dans un état de siège. Parce que quand on voit un foyer de travailleurs migrants dans un quartier, à chaque fois, toutes les rues qui débouchent sur ce foyer-là sont, comme on appelle, envahies par les policiers, des checkpoints, hein, un état de siège. Voilà. Il y a un véritable filtrage de la population. C'est du racisme en flagrant délit. Et c'est du racisme en flagrant délit. Parce que ils savent qui contrôler, ils savent qui n'est pas contrôlé. Tu veux dire par là que, par exemple, dans un foyer étudiant normal, ils ne se comporteraient pas de la même manière exactement. Que dans un foyer où il y a des travailleurs exactement. Migrants ou immigrés. Exactement. Donc, quand les policiers entrent dans un foyer, donc, c'est carrément hors la loi. Ils ne sont pas obligés d'appliquer ou de se comporter comme leur formation, les dictes, comme, c'est-à-dire ils ont ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et il y a une impunité totale. Vous voyez, un policier, ils utilisent, c'est de la violence gratuite. Ils cherchent la violence en fait. Non, mais en plus, le mot que tu as utilisé. Ils cherchent la violence. Le mot que tu as utilisé. Quand ils arrivent dans un foyer, il faut qu'ils sortent avec. Il faut qu'ils fabriquent des résultats pour prouver. Et l'efficacité de leur intervention, même s'il n'y en a pas. Donc, ils viennent, ils fabriquent des résultats. Il faut qu'ils remplissent leur quota. Oui, il faut qu'ils donnent un rapport à leur hiérarchie, comme quoi on a fait ça, on a trouvé ça, voilà. Donc, on a pourchassé un dealer, donc on en est sorti avec une dizaine de clandestins qui n'ont pas de papier. Donc, du coup, il y a tous les prétextes qui existent pour que la police entre dans un foyer de travailleurs migrants. Et la direction dans tout ça, elle a une position particulière ou pas? Ou elle est neutre? Ou juste elle a donné un blanc-seing et elle se lave les mains? Ou il y a une pression qui est faite par la direction au niveau des résidents des foyers ou pas? Mais c'est ce qui plaît à la direction. Parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires aussi... en ont marre, je peux dire, c'est le mot, ils en ont marre. Parce que vu qu'ils gèrent les foyers dans des conditions lamentables et que les résidents du foyer leur mettent la pression pour l'amélioration de leurs conditions de vie, donc et à chaque fois d'ailleurs qu'il y ait un bras de fer entre les gestionnaires et les résidents, Et dans quelques jours, on voit un débarquement policier massif. C'est-à-dire, le patron envoie un faux rapport à la police pour dire que, ouais, il y a des dealers, il y a des prostituées, il y a des vendeurs de drogue, des commerçants, de ça. Donc, pour expliquer qu'il y a un tas d'illégalités, hein? Et qui se passe dans un foyer, et puis dans quelques jours, dans quelques semaines, on voit plus de 200 ou 300 policiers qui débarquent dans le foyer, qui entourent comme un état de guerre, complètement. Alors qu'il n'y a pas plus ils s'en sortent bréduits. Alors qu'il n'y a pas plus de criminalité dans un foyer que dans un quartier du 16e Non, du tout. La plupart des temps... Que ce soit la prostitution, la criminalité... La plupart des temps, ils sortent bréduits, les mains vides. Sauf qu'ils fabriquent des faux justificatifs. Comme quoi, on est sorti avec ça. Il n'y a pas longtemps encore, il y a eu une intervention massive. Massive au foyer Boissersoni, à Saint-Denis. Sous prétexte que tous ces commerçants illégaux qui se trouvent à la gare de Saint-Denis qui viennent du foyer de Bassir-Souni. Donc, la préfecture a envoyé plus d'une centaine de gars, de fonctionnaires de police, et ils sont sortis avec rien du tout, que des clandestins. Hein? Ils ont renversé, ils ont utilisé une violence inouïe. Renverser des frigos, hein, vider, je sais pas, ils sont comportés comme des vrais gladiateurs. Avec de la violence. Détruire tout dans leur passage. C'est une forme d'intimidation en fait. Voilà, ils ont tout détruit. Excuse-moi, Boubacar, je me permets d'intervenir. Le but, c'est quoi? C'est plus un nettoyage des foyers? C'est la pêche au sans-papier? Je fais partie peut-être des gens qui connaissent pas l'acharnement policier dans les foyers. On parle de l'acharnement policier à Calais, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des migrants et on ne sait même plus quoi en faire, mais il y a vraiment un acharnement des policiers. Et là, c'est médiatique parce qu'on en parle. Maintenant, on ne se cache plus et on en parle. Les politiques en parlent, mais les foyers, on n'en parle pas. Dans les médias traditionnels, on n'en parle pas du tout. On reviendra après. Je veux juste que Ramata dise pourquoi elle appelle à manifester, pourquoi le collectif des Vivolets appelle à manifester également. Donc Ramata, je me présente. La raison pour laquelle je suis devenue, on va dire, militante, c'est parce que mon frère, Lamine Dieng, a été étouffé par des policiers du 20e arrondissement le 17 juin 2007. Ils étaient au nombre de 8, c'était à Paris. Mon frère a été torturé pendant 30 minutes, au cours desquelles il était plaqué au sol avec plusieurs policiers sur le dos. Au début, ils étaient 6 sur son dos, ensuite 5, et au moment de sa mort, il y en avait 4 sur son dos. Il a vomi pendant qu'ils étaient sur son dos, respiré son vomi. L'autopsie va révéler un œdème cérébral, un engagement cérébelleux, plus de 30 hématomes sur le dos, dont une dizaine sur la tête. Et le juge d'instruction, avec ces éléments-là, fin 2007, va attendre 2014 pour prononcer un non-lieu. On va faire appel de cette décision. Ensuite, on va passer devant la Chambre de l'instruction de Paris, qui va confirmer le non-lieu en 2015. On va encore faire appel de cette décision. On va passer devant la Cour de cassation, qui, elle, va mettre 2 ans pour confirmer le non-lieu. Donc aujourd'hui, on est à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on espère vraiment que la décision sera en adéquation avec le dossier. C'est un dossier à charge, c'est un dossier où les coupables sont connus, les faits sont connus. Il est clair que c'est eux qui l'ont tué, qui l'ont asphyxié. Mais voilà, malheureusement, mon frère était noir. Et les meurtriers sont des policiers, et donc il n'y a pas de sanction. Malheureusement, dans la plupart des affaires, on conduit au décès d'une personne, une victime en fait. En général, la justice, elle a beaucoup de mal malgré des évidences ou des preuves. Les preuves ne suffisent pas. Les témoignages ne suffisent pas. Ça ne suffit jamais. Il y a une espèce de solidarité de caste policière et judiciaire qui se fait automatiquement. C'est ça. Et qui fait que tu as l'impression de te battre contre... C'est pas une impression. Tu as un pot de terre en fait et que tu as un pot de fer en face de toi. C'est pas une impression, c'est une réalité. Ouais. Une réalité pour... Ça, c'est triste. Je peux même pas vous dire combien de familles. Parce que si je vous dis 15 victimes chaque année, non armées, qui ne menacent la vie de personne... Non, des victimes totalement. Donc, on n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Entre un Aliziri de 65 ans, 69 ans. 69 ans. Ouais. Ou de la Mindiane. 25 ans. 25 ans. C'est deux univers différents. Absolument. Et à la limite, on peut me dire qu'une personne de 25 ans, elle peut être dangereuse physiquement. Ok, je veux bien entendre, mais une personne de 70 ans, c'est assez compliqué. C'est compliqué. Et ensuite, 8 personnes sur une personne avec 30 hématomes. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, la violence pour maîtriser quelqu'un, elle se limite et ça s'arrête juste à la maîtrise et pas à autre chose. Surtout là, une fois qu'il est menotté, les mains menottées, les chevilles attachées par une ceinture de contention en cuir. Qu'est-ce qui justifie qu'on s'agenouille sur lui, en fait? Rien. À part qu'on a envie de le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'en fait... Et aujourd'hui, les magistrats, en prononçant des non-lieux, accordent en fait un permis de tuer. Et du coup, c'est pas juste des violences policières, c'est une violence d'État, et c'est pas juste un racisme ambiant. Ou juste... La République française est raciste dans son essence. C'est dans pas son autre essence. Chose. On peut pas dire les choses différentes. Non, non, non. C'est comme ça. Et ça remonte au code noir de Colbert. Code noir, voilà, ou avant, ou après. Le code de l'indigénat. Mmh. On est soumis à un régime d'exception depuis ce temps-là, et rien n'a changé. Oui, constamment, il n'y a pas un seul homme politique. On va faire juste une courte pause musicale avec Agnès Obel, Riverside, et on viendra vers vous juste après. Merci. By the water. the corundum float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Rebonsoir à tous et à tous et bienvenue sur FPP, sur l'émission Au fond près du radiateur de 19h à 20h30 tous les mardis. Toujours avec Mohamed, Aboubakar, Conté et Ramata. On va reprendre tout de suite avec Conté. Dis-moi Conté, c'est quoi la CSP? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et il n'y a qu'une CSP ou il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. CSP, après l'éclatement de l'église Saint-Bernard, il y a des Africains qui ont été expulsés. Donc ils se sont dit... l'aide la plus utile et la plus noble est celle qui provient de nous-mêmes. C'est ce qui les a poussés à se regrouper dans un collectif appelé le collectif des sans-papiers de Paris, qui regroupait beaucoup de collectifs. Mais aujourd'hui, le CSP 75 regroupe trois collectifs. Le collectif du 11e, le collectif du 18e et le collectif du 19e. À travers ce collectif, nous avons créé la coalition internationale des migrants et sans-papiers de Paris qui se trouve dans plusieurs pays d'Europe. Avec la coalition, nous dénonçons toutes les politiques européennes à travers les camarades qui sont dans les différents pays de l'Europe. Notamment axé sur la libre circulation et la régularisation. Le slogan même, c'est la libre circulation et d'installation pour tous. Ça, c'est le slogan du collectif des sans-papiers. La libre circulation et d'installation pour tous. Tu voulais t'exprimer un petit peu plus sur les nouvelles lois, sur pourquoi vous appelez à manifester, vous, en tant que CSP, à la manif du 17? Oui, le collectif des sans-papiers de Paris appelle à manifester contre plusieurs facteurs. Il y a la violence policière, il y a le racisme, surtout la nouvelle loi qui met aujourd'hui les sans-papiers dans une situation de précarité totale. Avant que je développe cette thèse, j'aimerais rebondir un peu les rafles dans les foyers. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les foyers n'ont plus d'intimité. La police fait des rafles aujourd'hui dans les chambres de ces gens-là. C'est imaginable. Ils n'ont plus d'intimité. Surtout avec une violence, avec des chiens. Les rafles sont effectués aujourd'hui dans les foyers avec des chiens. Je développe encore. En plus de ça, je vais beaucoup plus loin. Le problème du foyer maintenant est devenu un problème de gain. Parce que moi, en tant qu'agent immobilier, les gérants de foyers aujourd'hui cherchent du gain. ils sont en train de fermer les foyers, ils sont en train de transformer les foyers uniquement pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. C'est pourquoi ils envoient les policiers rafler dans les foyers, créer des situations leur permettant de fermer ces foyers, leur permettant de vendre ces foyers à d'autres agents immobiliers qui les transforment en chambres individuelles, aujourd'hui qu'on appelle résidence sociale individuelle, avec un montant faramineux. Aujourd'hui, quand je vois une chambre de foyer payée à 500 et quelques euros, c'est uniquement de l'économie, c'est uniquement de l'argent. On accuse la police, mais derrière la police, aujourd'hui, il y a les gestionnaires de foyers aussi, qu'il faut dénoncer. D'ailleurs, on a Aboubacar qui est là au nom de la coordination des foyers pleines communes. Mais je voulais venir sur toi plus précisément sur la libre circulation et sur comment ça se fait, en fait, qu'une manif peut appeler sur autant de dimensions différentes, que ce soit le racisme, la violence policière, que ce soit la libre circulation, la régularisation ou l'habitat, le logement, ou ce qu'on veut. Oui, ça c'est, on appelle ça une convergence de lutte. Parce qu'aujourd'hui, cette loi concerne tout le monde. Qu'ils soient les sans-papiers, qu'ils soient ceux qui sont dans les foyers. Aujourd'hui, on voit la violence. La violence policière, on appelle à la famille des gens qui ont été victimes aujourd'hui de la violence policière. Cette lutte, ça c'est leur lutte. Cette lutte, c'est la lutte des sans-papiers. Cette lutte, c'est la lutte des gens qui sont dans les foyers. Cette lutte, c'est la lutte des syndicalistes. Tout le monde est concerné. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui tout le monde à se regrouper autour de cette idée, autour de ce fléau pour dénoncer cette nouvelle loi de Macron, cette nouvelle loi de Gérald Collomb et cette nouvelle loi de Philippe. Qu'est-ce qui a changé pour vous l'arrivée de Macron au pouvoir ? L'arrivée de Macron au pouvoir est devenue catastrophique pour les sans-papiers. On a l'impression qu'à chaque président, en fait, c'est toujours plus catastrophique. Oui, je crois que c'est le problème de migration est devenu quelque chose d'exponentiel. Aujourd'hui, on remarque que chaque ministre de l'Intérieur se vante dire « j'ai expulsé ». Par exemple, Valls va dire « j'ai expulsé plus que Sarkozy ». Que Gérard Collomb va dire « ah, je vais expulser plus que Valls ». Donc, leur politique, c'est ça. Donc, chaque ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, le point focal, son combat, c'est sur les migrants, son combat, c'est sur les sans-papiers. Un ministre ou un gouvernement qui expulse beaucoup plus de migrants, plus de sans-papiers, se glorifie aujourd'hui. C'est un tremplin pour ce gouvernement de préparer le futur combat, de préparer le futur mandat. Comme les collectifs se préparent à de futurs combats. Puisque là, en l'occurrence, on a la preuve. Oui. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était essentiellement axé sur une volonté de régularisation de papiers, de dignité et tout ça. Et là, on voit que vous avez pris les choses en main avec encore plus d'outils. Vu que vous êtes victime de violences policières quelque part, quand il y a des tracts ou sans-papiers, quand il y a les centres de rétention qui se mettent en place, quand il y a des OQTF qui sont présentés et autres, plus un comportement policier qui est plus discutable quand c'est des étrangers. Déjà, quand c'est des étrangers qui n'ont pas de papiers, il est extrêmement discutable. Il est très discutable aussi quand c'est des étrangers avec des papiers. Enfin, c'est mieux d'être suédois que d'être sénégalais, malien, algérien, ou turc, ou asiatique, ou je ne sais quoi. Et on voit que ça apparaît. Et du coup, ça englobe aussi le racisme d'État. Oui, ça englobe le racisme d'État. Puisque les traques, elles sont ciblées. En général, on ne traque pas les blonds aux yeux bleus qui seraient venus illégalement dans le pays. On traque plutôt des gens qui, d'apparence, viennent d'Afrique, physiquement parlant. Donc ça peut être un Antillais. Mais tant qu'on ne sait pas qu'il est Antillais, c'est un étranger. Oui, un entier ou un entier ou un Américain noir. Nous sommes tous des Noirs, mais un entier et un Américain noir est 10 000 fois mieux traité qu'un Noir qui vient de l'Afrique. Parce que nous n'avons pas les mêmes passeports. Le passeport américain, c'est de l'or. Le passeport français, c'est de l'or. Et le par rapport au passeport malien, sénégalais, ivoirien, c'est cette différence de passeport aujourd'hui. Les gens ne voient même plus aujourd'hui la couleur. On voit aujourd'hui la couleur du passeport. Du coup, il y a une inégalité de libre circulation parce que j'imagine en tant que Français, même tu peux être pauvre au RSA ou ce que tu veux, tu peux aller au Mali passer une semaine de vacances au Sénégal sans problème, tu vas, tu prends ton visa, tu y vas et tu reviens. Par contre, un Malien qui n'a pas de ressources suffisantes ou un Sénégalais ou autre ne peut pas se permettre d'aller en France même s'il est pauvre. Même si un Malien, même s'il a une ressource suffisante, mais un Sénégalais, même avec les ressources, ce n'est pas évident d'avoir un visa ou de venir ici en France. Oui, c'est très dur. La lutte sécurisation, c'est l'inégalité sociale. Un Français a le passeport de... Voilà. Un Français, aujourd'hui, il a un passeport d'or qui lui permet de sillonner tous les pays du monde. Par contre, nous, Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais, nous avons un passeport qui nous permet aujourd'hui de circuler à l'intérieur de nos propres pays. Quand je vois aujourd'hui l'Union européenne ou l'État français de créer des hotspots en Afrique, au Tchad, au Niger, en Libye, nous, et puis nous éviter de nous éviter de circuler librement et proprement dans notre propre continent. Je dis que c'est trop. Franchement, la France aujourd'hui est en train de mettre nous, les Africains, dans une coquille. Or, nous, on est prêts. Une loi radicale, une réponse radicale. Clairement. Merci beaucoup pour ton témoignage. Excusez-moi. On va écouter un petit peu Aboubacar qui va revenir avec nous. Par rapport, dis-moi Aboubacar, d'où est venue l'idée de créer une coordination entre les foyers? Est-ce que c'est une espèce d'exemple de lutte que vous avez repris sur les collectifs de sans-papiers ou qui existait avant? C'est venu comment en fait? Oui, il y a 3 ou 4 années comme ça, en arrière, que les délégués des foyers se sont réunis en coordination, en tout cas pour nous, en pleine commune, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, pour dire qu'on a les mêmes problèmes, on a des problèmes communs, donc il faut s'unir pour mener ce combat ensemble. C'est pourquoi nous avons créé et la coordination des foyers de la pleine commune. Donc nous nous réunissons tous les premiers samedis du mois, donc à la Bourse du Travail, que la Bourse du Travail a d'ailleurs mis une salle gracieusement à notre disposition, donc de 10h à midi, où nous débattons de nos problèmes. Et puis nous voyons ensemble quelle est la solution pour chaque problème. Donc voilà. Nous ça vous permet d'échanger des expériences aussi, de savoir. Voilà, donner des idées, comment gérer ces problèmes-là. Voilà, comment se tenir devant ces gestionnaires qui sont quand même, on peut dire, comme tout à l'heure je disais, qui sont quand même très très favorable à cet assemblement policier. Elle est très favorable. Et aussi, enfin, je me permets de te couper pour ajouter quelque chose. On en avait parlé en aparté tout à l'heure, vite fait. Tu as une espèce de volonté politique qui est faite à travers la direction des foyers, en fait, pour les problématiques de logement qu'il y a en France. Oui. Ils essayent de blanchiser au maximum les foyers qui étaient en général où tu as beaucoup d'étrangers et de cartes de séjour qui y sont présents, pour essayer de réguler leurs problématiques de logement, mais en même temps, ils essaient de vous repousser au plus loin, en fait, soit de revenir aux anciens foyers où il n'y a que des douches collectives, cuisine collective, pas d'intimité ni rien, soit d'aller beaucoup plus loin en banlieue, genre vers Cergy ou vers Saint-Ouen-l'Aumône, ou, enfin, à Perpète, des lignes de RER et des lignes de car, ouais, afin de blanchiser un petit peu les foyers, oui, et de permettre à des catégories sociales petites de oui, s'installer y a, à votre y a, place. Il y a une politique des gestionnaires de changer de public dans les foyers. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une quinzaine d'années, quand on a lancé la transformation des foyers en résidence sociale, c'est-à-dire les anciens foyers où on peut trouver 4-5 lits, hein, officiels, hein, et puis on s'est dit on va changer tout ça, on va les transformer ou on va construire de nouveaux foyers qui seront devenus plus tard des résidences sociales où chaque résident a sa chambre à lui seul, sa toilette, sa cuisine, voilà, un petit studio en fait. Un tout petit, c'est une grande chambre aménagée, on va dire. Une grosse chambre, mais nous étions très très contents, on a accueilli ça favorablement, mais c'est sans compter sur la volonté du gestionnaire de nous chasser carrément de ce foyer-là. Parce que depuis qu'on a construit ces nouveaux foyers, ces résidences sociales, qu'est-ce qui s'est passé après? On a vu que les gestionnaires ont supprimé toutes les parties communes, c'est-à-dire les salles de réunion, les salles d'alphabétisation, les cuisines, même le bar, les salles de télé, les cafétérias, ils ont tout supprimé. Donc ça, c'était une volonté de casser la vie commune parce qu'ils nous accusaient d'être des communautaristes. qu'ils vivent dans, comme, dans une communauté. Il faut casser ça. Mais pourtant, c'était le but des foyers à la base. Et ensuite, une fois cette communauté cassée, nous éloignée l'un de l'autre, on va plus se voir, on va plus discuter. Donc voilà, on va plus faire des réunions pour dire ouais, non. C'est comme dans un HLM. Mais il y a aussi une dimension économique, parce que les nouveaux foyers qui ont été construits excuse-moi Aboubacar, juste je précise que les nouveaux foyers qui ont été construits, avec cuisine intégrée à l'intérieur, douche et toilette, il y a eu aussi un changement de prix qui a atteint le porte-monnaie. Les anciens foyers, c'était à peu près 200 euros pour la pièce, même si elle était un petit peu plus petite. Maintenant, on est autour de 450, 600 même euros. 600 euros. Il y a des petits studios, on les classe T1, T1 bis, T1. Donc, on les classe en tant que T1, mais moi je les ai déjà vus. En fait, ils sont vraiment très petits. C'est plus grand que les chambres anciennes de foyer. Nous, on les appelle les boîtes d'allumettes. Oui. C'est les boîtes d'allumettes. Parce que en général, c'est les plus grands, ont 25 mètres carrés. Oui, ça c'est. Dans ces 25 mètres carrés, vous avez votre chambre, votre toilette, votre douche, tout est compris dans ces 25 mètres carrés. Mais ça, c'est le plus grand 25 mètres carrés. Parce que la plupart, ils sont beaucoup plus petits. Mais il y a même les 16 mètres carrés. De 16 mètres carrés. Et deuxièmement, la vie privée, notre vie privée est toujours bafouillée. Bien sûr. Donc, ça n'a aucun sens. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a un laissez-passer qui a été donné à la police où ils peuvent intervenir quand bon leur semble, suivant où les deux héritages du préfet ou du commissariat local, j'imagine également, et intervenir à partir de quelle heure ? On vous laisse la nuit ? Il n'y a pas d'heure. Ils interviennent. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, 12 mois sur l'année. Il y a pas. Ils peuvent ouvrir la porte de votre chambre, même à 3 heures du matin ou 4 heures. N'importe quelle. Du coup, sans aucun respect de votre intimité ou d'une vie familiale qu'il pourrait y avoir ou d'une vie de couple ou même tout simplement dormir pour pouvoir aller travailler. Quoi. On se disait que oui, en passant par en résidence sociale, donc on va s'approcher un petit peu du statut de locataire. Mais non. Le mode de gestion auprès des gestionnaires aussi, continue comme avant. Et votre serrure, ils ont une deuxième clé, une clé serrure au bureau. Donc, le gérant, il peut rentrer dans votre chambre comme il veut aussi. Donc, sans se soucier que vous avez une vie de famille, que vous avez une vie intime. Donc, il se permet quand même de s'inviter dans votre... Malgré qu'une loi a été créée en 2016, après plusieurs années de lutte encore, qui disait il faut au préalable avertir avant que les gestionnaires rentrent dans votre chambre, il faut au préalable avertir le résident au moins 48 heures à l'avance. Mais cette loi n'a jamais été appliquée sur le terrain. En plus, la loi part du principe qu'on fait confiance aux gestionnaires. Du coup, logiquement, ils devraient être bienveillants, mais en fait, c'est des êtres humains, ils peuvent être malveillants. La loi dit, sauf en cas d'urgence. C'est-à-dire, sauf en cas d'urgence, ça veut dire que s'il y a un cas d'incendie ou fuite d'eau, machin, donc il faut avertir au préalable avant de pénétrer dans la chambre des résidents. Mais cette loi n'a jamais été appliquée parce que le gestionnaire nous accuse toujours de pratiquer comment on appelle l'hébergement, la suroccupation, voilà, que le mobilier qu'ils ont, ils doivent veiller à chaque fois leur mobilier, voilà, des prétextes comme ça. Donc nous sommes humiliés ou nous sommes humiliés comme en prison. Vous versez une caution, j'imagine. Oui, on verse une caution. Du coup, normalement, le tracas du mobilier ne devrait même pas être posé, en fait. Alors que la vie privée, et même la Convention européenne des droits de l'homme, exige que chaque citoyen européen soit respecté, que sa vie privée et intime soit bien respectée. Mais ces gens, ils nous considèrent comme des sous-hommes. Ils n'ont aucune considération envers les résidents. Clairement. Aucune. Donc, c'est une lutte, que je viens de dire, c'est une lutte. Si les policiers sont à s'acharner sur nous aujourd'hui, c'est vraiment en complaisance avec les gestionnaires. Voilà. Et toi, Ramata, qu'est-ce que c'est que le collectif Vivolet ? Alors, le collectif Le collectif Vivolé est un collectif de famille. On a monté ce collectif en 2009-2010 avec une dizaine de familles. Et l'idée, c'était un peu comme vient de le dire mon camarade, de s'unir pour être plus fort et de lutter ensemble, échanger nos expériences et, se soulager, porter assistance en fait aux familles nouvellement touchées. Pourquoi j'emploie ce terme ? Parce que on s'est rendu compte qu'en tant que victime, notre statut de victime n'est pas reconnu justement par l'État, ni par les magistrats. Enfin voilà, il n'y a rien qui est mis à notre disposition en tant que victime de violences policières. Donc, c'est plutôt le contraire. On met même des bâtons des fois dans les rues et on fait exprès de laisser traîner des autopsies, des rapports qui sont oubliés ou autres. Absolument. C'est plutôt l'inverse. Ouais, voilà. C'est, tout est fait pour nous empêcher d'obtenir la vérité et d'obtenir justice. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a pris conscience qu'il n'y avait pas de collectif de famille qui existait à l'époque. Donc on a monté ce collectif. Et effectivement, depuis, on a commencé notamment cette... La marche des familles, justement, contre les violences policières. On a fait ça, la première année, c'était en 2011. Et donc, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, on le fait dans le cadre des journées internationales contre les violences policières et pour l'élimination de la discrimination raciale, donc contre le racisme, en fait. On est en plein dedans, en fait. C'est-à-dire que tout ce que mes camarades viennent d'expliquer, tout ça rentre dans le cadre du racisme d'État. Ouais, clairement. Le racisme systémique structurel. Clairement. Et donc qui cible systématiquement les mêmes profils, les Noirs et les Arabes majoritairement. Tout ce qui est une figure africaine ou asiatique, elle est ciblée automatiquement. Les Asiatiques subissent quand même un peu moins. Hein. Dans la liste des victimes de violences policières, notamment, il n'y a pas peu d'Asiatiques. Quand je parle d'Asiatiques, je parle des Turcs, des Syriens, des Indiens. Ceux qui n'ont pas le bon faciès. Parce que l'ambassadeur de Chine a... Il a du charisme et du bagou par rapport à la République française. Du coup, on fait attention à qui on traque et avec qui on est raciste. C'est maintenant. Ça. C'est pas autre chose. Comme tout tu disais tout à l'heure, quand tu as un passeport américain et que tu es noir, tu passes crème. Ouais. Tu as un passeport malien et tu es noir, tu passes pas crème. Non. Ouais. L'immigration choisie et le racisme choisi aussi. C'est exactement. Ça. On est dedans. Toi, Mohamed, tu as dû connaître la marche pour l'égalité ? J'ai connu dans les années 80 parce que je suis... Excuse. Mohamed, il n'est pas discipliné du tout. Il a laissé son téléphone branché. Il doit sonner. Après, donc je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. Deux petites minutes. Ça arrive. Voilà. On peut pas trop attendre. Il faut surtout beaucoup parler. Parce que comme c'est une radio, si les gens ils ont l'impression qu'il y a le silence. D'accord. Oui. Donc foutu. Moi j'ai connu ce qu'on appelait la marche des beurs. Hein. De l'égalité. De l'égalité, mais on parlait aussi de la marche des beurs. Quoi. À l'époque, le peut-être un peu plus concerné, c'est peut-être massivement, peut-être un peu plus représenté à l'époque. C'était un surnom que les médias avaient donné à l'époque. C'est le surnom qu'on avait donné. Franchement, le terme de beurre, c'était pas terrible. Non, c'est pas terrible. Non. Et puis en plus, c'est faux parce qu'il n'y avait pas que des beurs. Il y avait des Français de souche, il y avait des gens de couleur, etc. etc. Mais bon, ça, c'est ce que les médias ont donné à l'époque, hein, dans les années 80, parce que c'était en plus une des premières marches. En fait, tu as eu une espèce de sursaut des deuxièmes générations. C'est la deuxième génération qui a bougé un peu, quoi, qui a commencé à bouger. Ils se sont dit, attends, nos parents ne maîtrisent pas le français, ne savent pas lire, ne savent pas écrire. C'est surtout d'une violence policière. Ouais, ça part de là. Ça a été déclenché par ça. Ça part de là. Il y a eu... Plusieurs crimes, mais il y a un moment, on s'est dit... C'était l'époque où l'actualité était émaillée sur les quartiers de Lyon ou de Paris ou de Marseille, par des violences policières notamment, ou des ceinturages de CRS et autres. Et limite, et pour certains, ça a été aussi la continuité de la fin de ce qu'on a appelé aussi à l'époque les événements d'Algérie, qui en fait étaient une guerre. Beaucoup ont eu l'impression qu'il n'y a pas eu de coupure, quoi, qu'il y a eu cet élan, cet acharnement policier, terrible dans les années 80, c'est ça. Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu d'ailleurs une liste qui est apparue ensuite, qui est apparue avec tous les noms et prénoms des gens qui sont décédés. Donc voilà, c'était un des premiers collectifs qui a démarré, et tant mieux. Donc ce qu'on appelait les enfants de la seconde génération. parce que la première génération, c'est arrivé, mais voilà, ni lire, ni écrire, et on leur demandait de juste dire oui, quoi, le nom, et surtout déjà la peur du policier, la peur du gendarme. En fait, tu as eu un cordon ombilical qui a été coupé à cette période. Tu as eu les luttes d'indépendance en Afrique, en Asie, qui sont faites dans les années 60, 50, jusqu'à début 70. Et du coup, les générations qui sont nées en France, issues des communautés africaines ou asiatiques, pour pas faire d'exception, en fait, les enfants se sont retrouvés dans des cités, ont grandi dans ces cités. C'était des cités. En fait, c'est pas les enfants des quartiers de pavillon, c'est des enfants de cités qui ont vu leurs parents, en fait, brimés dans leurs droits. Mais les parents étaient d'origine étrangère. Et c'était l'époque de la mentalité. On est dans un pays, on est là pour travailler, on ne compte pas y rester, on compte revenir au pays après. Nos enfants vont étudier ici, ils vont arriver au pays, ils vont Exactement. Le construire, aider, tout ça. C'était l'époque de la libération. Mais du coup, en France, dans les années 80, tu as le chômage qui s'est installé, tout ça. Les quartiers sont en effervescence. Tu as une violence policière qui se fait et qui cible uniquement les communautés d'origine étrangère. Et bien sûr, les Français qui sont pauvres, qui habitent avec eux, sont pris dans le même sac également, mm-hmm. et qui les ciblent particulièrement et très violemment. Les cités se dépeuplent dès la fin des années 70, début 80, de la population bourgeoisie moyenne, cadre moyen ou ce qu'on veut. Il y avait des policiers qui habitaient dans les cités, il y avait des pompiers qui habitaient dans les cités, il y avait plein de professions différentes. Il y avait de la mixité, ouais. Il y avait une espèce de mixité, entre guillemets, qui répondait à des nécessités dues à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la première fois, en fait, que les jeunes nés en France d'origine étrangère prenaient en main leur destin de façon assez collective et assez large, parce que c'est venu de toute la France, de Lyon, de Marseille, de Lille, de Paris, de Brest, de tout ce qu'on veut. Mais du coup, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, de partout. Mais toi, quand tu entends par exemple le témoignage de Condé, d'Aboubacar ou de Ramata, le sien il est un petit peu intermédiaire vu que ça date de 2007, autant pour moi. Et toi, en partant de la marche pour l'égalité qu'il y a eu, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours pire, toujours pire. On demande d'arrêter, mais en fait, ça empire à chaque fois, tous les ans, ça empire. S'empirer, ouais. Toi, la vision que tu as maintenant en tant que papa, qui est médiateur en plus pour l'éducation nationale, on reviendra plus tard, quel regard tu as par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'appel du 17 mars 2018 et de ce qu'ont évoqué nos invités? Ce qui se passe, c'est que malheureusement, ça, les choses empirent, quoi. On pensait déjà, dans les années 80, pouvoir freiner un peu ce racisme qui prenait de l'ampleur, dû aussi au problème économique que connaît la France. On pensait qu'à un moment ou un autre, ça allait freiner, mais malheureusement, ça prend de l'ampleur. C'est pour ça, tout à l'heure, j'en parlais, je ne savais pas qu'il y avait de la violence. La violence contre les sans-papiers, contre des gens qui travaillent et qui vivent dans des foyers, de la violence policière, on n'en parle pas. Moi qui suis... Et au collège où tu travailles, tu ne le sens pas par rapport à des élèves ou des enfants, ces problématiques-là ? Cette problématique, on la sent parce que d'abord, comme tu peux le voir, comme je le vois tous les jours, d'abord on est... Moi je travaille dans un collège, je fais un peu aussi la transition. Je suis médiateur social dans un collège... À Saint-Denis, je découvre Saint-Denis parce que je viens aussi du Nord, où les problématiques sont peut-être différentes. Et là, vraiment, quand j'arrive au collège, quand j'arrive dans la cité, même le collège est un ghetto. Même le collège est un ghetto où je ne vois pas de couleur blanc déjà quand j'arrive. Je vois que de la couleur qui est noire ou plus ou moins métissée. C'est 80% de gens noirs et 20% d'origine maghrébine. Ségrégation. Le peu de blancs que je vois sont des gens, des élèves qui appartiennent à ce qu'on appelle la SECPA, sont des néo-arrivants. SECPA, en fait, c'est pour des enfants en difficulté, voilà, sur le parcours scolaire. Qui sont ce qu'on appelle allophones, qui ne sont pas francophones, en fait, qui viennent d'arriver. Et la plupart viennent des pays de l'Est. Voilà, c'est... Voilà, et ça représente, c'est infime, ça représente 1% au collège, voilà ce qu'on a. Donc 80% de gens de couleur noire, plus 20% d'origine maghrébine. Donc je travaille dans un ghetto qui est dans un autre ghetto. Quand on parlait d'abord de tous ces gens, des classes moyennes qui sont partis dans les années 70, 80, qui ont quitté ce qu'on appelait ces petites banlieues difficiles, ce qu'on disait, les banlieues difficiles, elles n'ont rien de difficile. Oui. c'est que voilà, on veut casser du communautaire, mais on a refait du communautaire. Mais c'est eux qui organisent le communautarisme. C'est pour ça que j'en viens. C'est l'État même qui organise le communautarisme. C'est l'État qui le fait. Oui. C'est l'État qui le fabrique. Et qui ensuite en fait le reproche. C'est l'État qui le fabrique. Ensuite, on dit, bah voilà, essayons, on va vous placer comme médiateur. Je parle pour ma paroisse. Voilà, on va mettre un médiateur. Peut-être que le climat scolaire va s'apaiser un petit peu. Peut-être qu'il y aura moins de violence, moins de décrochage, etc., etc. Moi, ce qui me fait rire, c'est pas les médiateurs qu'il faut, c'est des professeurs. C'est réhabiliter les écoles, mettre les professeurs, enfin voilà, remplir son rôle de service public, en fait. Va en venir après. Le collège, il est en REP plus, donc il est considéré comme genre plus ghetto que les ghettos, entre guillemets. Donc on donne soi-disant des outils supplémentaires, des moyens supplémentaires au collège ou lycée classé en REP plus. On se demande c'est quoi les outils ou les trucs qu'il y a dedans. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le collège, les enfants, les élèves vivent des situations qui sont semblables aux vôtres. Parce qu'il y a des enfants de sans-papiers, en fait. Il y a des enfants qui vivent dans des foyers, en fait, avec leur famille, parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement et ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a des familles ou des enfants qui sont victimes de violences policières. Qui sont nés en France. Et nés en France. Qui ont leurs papiers. Et de parents qui ont aussi leurs papiers. Donc, en fait, comme quoi, c'est le problème n'est pas sont victimes de violences policières. Ils sont victimes de violences. Le problème, c'est pas d'avoir des documents officiels. Et le problème, c'est pas non plus la communauté. Parce que l'être humain, depuis la nuit des temps, il s'assemble en général par affinité ou par autre. Tout à fait. La problématique, c'est que c'est l'État qui crée des communautés artificielles sans leur donner les outils ou les moyens de s'auto-gérer ou de s'auto-administrer eux-mêmes. Parce qu'à la limite, je suis malien, je suis en France. J'ai un problème avec mon voisin, qui est d'origine malienne ou sénégalaise. Je demande à faire intervenir le djinné, et s'il a l'autorité pour, il le fait et tout. J'ai pas de problème avec ça, en fait. Je pense que je vivrais mieux comme ça dans une cité, en fait, si la majorité des gens viennent d'Afrique de l'Ouest, que de vivre avec le truc, je vais utiliser un mot vulgaire, le système bâtard que m'a poussé la République à adopter. C'est-à-dire, en même temps, on met tous les Maliens comme moi dans le même endroit, ou tous les Marocains comme moi, ou tout ce qu'on veut comme moi dans le même endroit. Après, je vous montre du doigt. Je dis, regardez comment ils vivent comme au pays, ils sont entre eux. Alors que c'est moi qui, en fait, qui ai décidé que vous vivez tous dans ce même endroit. Et en même temps, je vous retire toute possibilité de régler les problèmes ou les différends que vous pourriez avoir, ou quoi que ce soit. Et j'interviens, moi, de l'extérieur en disant, vous êtes communautaire, vous êtes trop communautaire, et c'est pas comme ça, et je vous frappe, quoi qu'il arrive. En prenant des prétextes souvent de criminalité, parce qu'on retrouve ça dans les cités, aussi bien que dans les foyers. Criminalité, prostitution, tout ce qu'on veut comme prétexte. Pour stigmatiser une communauté, en général des gens de culture africaine, ou d'origine de culture africaine, ou asiatique. Il n'y en a pas plus dans ces milieux-là que sur tout le territoire national, en fait. Il n'y en a pas plus. Les Champs-Élysées en plein 8e arrondissement. Il n'y en a pas plus qu'il n'y en a chez les autres catégories de la population. Il n'y en a pas plus à Saint-Denis que dans le 16e. Il y a plus de misère, par contre. Il y a plus de pauvreté. Il y a plus de pauvreté. Et la pauvreté génère forcément de la délinquance aussi. Exactement. Parce qu'il faut bien survivre. Et il faut aussi évoquer, si on parle de criminalité, aujourd'hui quand je vois à la télé le nombre de Français qui tuent leurs femmes, il y a combien de femmes françaises qui sont tuées aujourd'hui par des Français? Et puis on ne parle pas de criminalité. Ça c'est un autre combat. Je veux plus encore. Les mots ils ont toujours été choisis. Toi tu es un immigré. Voilà, par contre, si je suis français et je m'installe à l'étranger, on me considère comme un expatrié. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, je connais un professeur d'université qui enseigne à la Sorbonne. Il a voyagé dans 7 pays avec un passeport français périmé. Il est blanc, il est toujours en cravate, costume. Aucun policier. Les frontières de l'air en France n'a pu déceler que son passeport était périmé il y a 3 mois ou 4 mois. Parce qu'il n'a pas été contrôlé. Il n'a pas été contrôlé. Par contre, moi, avec mon titre de séjour, quand je vais au Mali, ou si je rentre de Bamako, mon titre de séjour est visualisé à la loupe. Pendant de longues minutes. Mon passeport, la même chose. Si ce n'est pas des heures. Et si même pour les cartes de séjour étrangères, genre quelqu'un qui est venu en Italie, qui s'est fait régulariser en Italie, qui a une carte de séjour italienne, s'il trouve plus intéressant de payer son billet d'avion, par exemple, pour faire Bamako, Paris, puis après Paris, Rome, s'il se retrouve en transit à Paris, alors légalement, il a une autorisation de séjour en Italie, donc il peut transiter dans n'importe quel pays européen de la communauté, et pouvoir y accéder. En fait, on l'arrête comme si c'était un criminel ou comme si c'était un sans-papier, alors qu'il a ses papiers italiens en général. Des fois, on les passe même en centre de rétention, malgré le papier italien, ou alors on leur dit de repartir de là où ils venaient, de l'aéroport. Oui. En abandon... Alors qu'ils ont tout à fait le droit, en fait, de faire Paris-Rome sans problème avec leur titre de séjour. Oui, sans problème. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, les immigrés, nous sommes dans le cœur de ces Français. En ce sens que, quand vous prenez aujourd'hui la sécurité des Français ici dans les magasins, elle est assurée par les agents de sécurité, par les vigiles qui sont à 99% noirs. Quand vous voyez aujourd'hui les maisons de retraite, moi en tant que Malien, Ramatan en tant que Sénégalaise, Boubacar en tant que Malien, nous n'avons pas une maman qui est dans une maison de retraite, ou ni un papa noir dans une maison de retraite. Mais ces Françaises ou ces Français qui sont dans les maisons de retraite sont entretenus, lavés, nourris par la main de ces noirs qu'aujourd'hui que la France rejette. Quand je prends la garde des enfants, aujourd'hui, les enfants français sont gardés par les noirs. Quand vous prenez tous les bureaux, aujourd'hui, les Français laissent les poubelles remplies. Les Français laissent les tables sales avec la poussière. Le lendemain, quand les Français arrivent dans leurs bureaux, les poubelles sont vidées. Les salles sont nettoyées. Les bureaux sont nettoyés. Les écrans sont nettoyés. Les bureaux sont très propres. C'est dû à la main d'un noir ou à la main d'une femme noire venant de l'Afrique que les Français rejettent aujourd'hui. Mais on parle tous de cette immigration, mais personne ne parle de la cause réelle de l'immigration. Aujourd'hui, il y a plus de Français à Abidjan que d'Ivoiriens ici en France, mais on n'en parle pas. Il y a plus de Français à Dakar aujourd'hui que de Sénégalais ici en France, mais on n'en parle pas. Il y a plus de Français à Marrakech. Il y a plus de Français à Marrakech aujourd'hui que de Marocains ici en France, mais on n'en parle pas. Quand vous prenez les guerres provoquées par ces Occidentaux dans les pays africains, on n'en parle jamais. On ne touche pas aujourd'hui à la cause profonde immédiate de cette immigration qui est due d'abord à la décolonisation, qui est due aux Français CFA, qui est due à l'agissement structurel. La France et l'Union européenne, à travers la Banque mondiale et l'FMI, dans les années 90, ont poussé, nous, nos États africains, à fermer nos centres de formation, à licencier des personnels de la santé, de l'éducation, dans les ministères. Tout ça, c'est ce qui a provoqué cette immigration. Et c'est elle qui déclenche les guerres dans le pays. Et c'est elle qui déclenche les guerres aujourd'hui. C'est elle qui crée la migration dont elle veut se protéger. Elle veut se protéger clairement. Aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui le pillage de nos ressources naturelles, mais on n'en parle pas. Et on n'en profite pas. On n'en profite pas. On va revenir vite fait sur tout ça. On va se faire une pause musicale avec la rumeur. Ça te va, Ramata ? Ça me va. Nickel. L'uniforme double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de te procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pèques pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Et on revient avec nos invités qui sont là. Ramata, tu voulais rajouter certaines choses. Il me semblait que tu étais assez enthousiaste là, pendant la pause musicale. Oui, oui, oui, j'étais enthousiaste parce que pour dire que le système qui est dénoncé par l'État lui-même, c'est lui qui le met en place. Le communautarisme, c'est lui qui l'installe. C'est lui qui fabrique du sans-papier. Aujourd'hui, tu as des papiers. Demain, tu n'en as pas. Si réellement l'État veut régler la question, la problématique des sans-papiers, c'est sur les entreprises qui embauchent ces gens, qui exploitent ces gens, en fait. Parce que du coup, ces entreprises qui embauchent des sans-papiers ne payent pas les charges. Il y a un certain nombre de choses, un manque à gagner dans les caisses de l'État dû à ces entreprises qui exploitent ces personnes-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire par là que la manif du 17 mars, c'est pas que le racisme d'État, c'est pas que la régularisation, c'est pas que les foyers, c'est pas que ça. Il y a aussi une raison économique qui gouverne tout, en fait, et qui fait que ça incite à servir une politique économique où on cherche à compresser les coûts, à réduire les charges. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est juste que la situation dans laquelle se trouvent ces personnes-là, elles ne l'ont pas créée. Elles la subissent, en fait. Voilà, elles la subissent. Et donc, s'il y a quelqu'un sur qui l'État doit taper, eh bien, ça serait sur les entreprises et non pas s'en prendre à des pauvres gens qui essaient juste de survivre. C'est juste ça, mais ma réaction. L'État est au service des entreprises maintenant. Ben oui, malheureusement, il se trouve que c'est le cas. On est dans un système capitaliste, effectivement, où la raison économique est plus forte que la raison humaine. Donc oui, c'est un parti à prendre. Non, je voulais juste dire ça, et puis voilà, parce que ça m'énerve, en fait, quoi. Et l'une des raisons aussi de cette marche, le point commun entre ces différents pôles, les sans-papiers, les migrants, les familles victimes de violences policières, les foyers, ouais, je l'ai dit, c'est la responsabilité de l'État, quoi. C'est la violence d'État. La violence d'État, elle est là pour... comment dirais-je ça? Je ne sais même pas comment l'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'unisse tout simplement pour combattre l'État parce que c'est un État de dictature. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre mot. Voilà, pour moi, c'est de la dictature. Dans la mesure où, pendant des décennies, les laboratoires des violences policières, ça a été les quartiers populaires sur les Noirs et les Arabes. On a essayé d'alerter la population d'une manière... voilà, il y a X militants, je vais citer par exemple le MIB, qui a fait ça pendant plus de 30 ans. Personnellement, ça fait 10 ans, un peu plus. Et il y en a d'autres, ça fait des décennies en fait, une centaine d'années, voire plus, que les concernés ne cessent de dénoncer les violences de cet État raciste. Et malheureusement, elles n'ont pas été entendues. Et l'alerte qui était donnée, c'était d'éviter que cette violence ne s'étende à l'ensemble de la population. Eh bien, aujourd'hui, on y est. La convergence, aujourd'hui, est nécessaire parce que la violence de l'État est généralisée. Elle est généralisée dans la mesure où quiconque, aujourd'hui, conteste le pouvoir, ça va partir du gamin, du lycéen, qui va être éborgné parce qu'il a fait une manifestation contre une loi de l'éducation nationale. Mon fils, il a reçu des tirs de flashball juste pour aller en soirée pendant le Nouvel An. Donc on y est. La violence est généralisée. Et elle est gratuite. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand les magistrats, c'est-à-dire le système judiciaire, est complice. Parce que, vu par égard pour les fonctionnaires de police, elle ne condamne jamais. Comme je disais tout à l'heure, les preuves ne suffisent pas. Les témoignages ne suffisent pas. Mais en plus, dans les faits, au niveau de la loi, la tutelle de l'État sur le ministère de la Justice est de plus en plus coercitif. En fait, il y a vraiment une emprise de plus en plus politique. Absolument. Sur l'outil judiciaire. qui fait que les juges ont de moins en moins en fait, de capacité à pouvoir montrer une indépendance. Et même quand ils le veulent, en fait, ils ont du mal. Et on a vu les problèmes que certains juges ont eu en essayant de, ou de condamner des policiers ou de faire la lumière sur des affaires de corruption ou pas. Ils sont passés vite fait à la trappe. Voilà. Donc quand l'État n'assume pas ses responsabilités, est-ce qu'on va continuer à se laisser tuer, à se laisser torturer, humilier quotidiennement sans réagir? C'est non, pas possible. C'est la riposte doit venir du peuple, de la rue, et donc ça concerne chacun d'entre nous. Non, et... à un moment, de toute façon, on y arrive. Parce que comme on peut le voir, enfin, Mohamed, il a un petit peu plus de 50 ans, il me semble, c'est ça? J'ai 50 ans, ouais, j'ai 50 ans. Moi, j'ai pratiquement mes 50 ans aussi. Du coup, ça va. Toi, tu as manifestement visiblement... J'ai presque 50 ans aussi, 46. Un certain âge. Du coup, on a tous vu ça, en fait, d'année en année, ça s'empirait. Des fois, on passe par... Moi, je sais que des fois, je suis blasé. Des fois, je suis dégoûté. On ne peut pas être blasé. On ne peut pas. Je te parle des états d'esprit où, dans lesquels je passe, où je ne sais plus, en fait, où j'en suis ou pas, ou comment ça va se finir ou pas, ou si je peux... Parce que je suis fatigué, je te jure. On est entre blasé et déterminé, quoi. On est toujours à... sur cette frontière, quoi. Des fois, on est blasé et des fois, on est déterminé. Parce qu'on veut faire bouger les choses. Non, mais en plus, il y a des choses. Parce qu'on ne peut pas laisser cet état de fait en héritage à nos enfants. C'est aussi simple que ça. Mais il y a aussi des gens qui peuvent, quand ils t'entendent dire on est dans un état, c'est une dictature, ils peuvent dire mais non, quand même, on peut dire des choses. On peut... Non, mais franchement, de l'époque où on vient, quand même, on n'avait pas de policiers avec des fusils mitrailleurs devant des écoles. Ça n'existait pas. On n'avait pas des espèces de militaires qui se promènent à 7-8 dans le... Ça n'existait pas. Même en cas de terrorisme, les Brigades Rouges, la bande Abadère, toutes ces périodes de terrorisme qu'on a passées, en fait, n'ont pas nécessité de mettre des barrières devant des écoles pour ne pas se garer, n'ont pas nécessité un état d'urgence ou un climat, en fait, policier. On s'aperçoit que plus que l'économie va mal, en fait, plus il y a de chômage, plus il y a de pauvres, plus, en fait, l'État devient de plus en plus autoritaire et de façon à visage découvert, de façon très, très visible. Et elle touche de plus en plus, touche en premier les populations les plus pauvres, toujours, qui sont en général des populations ou des Français d'origine en général africaine ou asiatique, ou des arrivants récents, ou des arrivants établis depuis 10-15 ans. Qui ont eu... L'ennemi intérieur désigné systématiquement par les politiques. C'est le premier. Toujours. Et du coup, la solidarité, elle ne doit pas être que communautaire ou je ne sais quoi, ou liée à une dimension pour les papiers, ou pour les violences policières, ou pour les conditions de vie en foyer, ou par rapport à deuxième génération, ce genre de truc. La solidarité, parce que sinon... Deuxième génération, excusez-moi, c'est quoi deuxième génération? C'est juste un terme. je n'aime pas beaucoup, en fait, ce non, terme. Non, moi non plus, je n'aime pas. Parce que je me demande, on est immigré jusqu'à combien de générations, en fait? C'est ça ma question. Tu sais qu'on te demande de... Moi, par exemple, qui suis français, maintenant, mon papa et ma maman sont français. Mon ex-femme, en fait, elle était algérienne, carte de séjour. Elle a voulu faire son dossier de régularisation en tant que Française, de faire sa demande de nationalité. Tu sais qu'on m'a demandé, à elle, on lui a demandé que moi je dois prouver que je suis français, donc d'aller chercher un certificat de nationalité française, comme quoi je suis bien français et qu'on certifie que ma carte d'identité ne suffisait pas. La fabrique du sympathie. Attends. On lui a demandé de me demander de prouver que mes parents étaient français. Donc ça veut dire si je suis en guerre avec mes parents, si je m'entends pas ou quoi que ce soit, comment je fais pour prouver que mes parents sont français? C'est assez compliqué, comme si en fait mon extrait d'acte de naissance ou quoi ne suffisait pas. En effet, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on est vraiment français? Quand est-ce qu'on arrête de parler de génération ou pas? En fait, je crois que quand on est noir et arabe, on ne devient jamais français. Parce que la couleur de peau, visiblement, c'est ça qui pose problème. C'est pas le papier. Mais je reviens sur pourquoi on parle de seconde génération. C'est aussi... J'aime pas ce terme-là. Mais c'est aussi pour se démarquer de cette première génération que sont nos parents quand ils sont arrivés en France. Alors, là aussi, je tiens à préciser, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, on est allé les chercher. On est parti les chercher. Mais bon, ils sont venus. Ils ont dû traverser, pour nous, enfin, ce qui me concerne, traverser la Méditerranée. Alors que l'Algérie, mon père est arrivé, l'Algérie était encore française. En fait, il changeait de département seulement. Ça, souvent, on l'oublie. Il changeait de département. Il traversait juste la Méditerranée, il changeait de département. Tout à fait. Mais à cette époque-là, quand même s'il changeait de département, il fallait 10 votes de musulmans algériens pour valoir juste un vote de chrétiens ou autre. Mais ça concerne même beaucoup de pays d'Africains. Parce que les pays d'Africains, ils étaient toutes des colonies françaises. C'était les colonies de 1960, de 60 à 65, que ces pays ont pris leur indépendance. Mmh. Mais aujourd'hui, les gens qui sont nés sous l'État français, ils ne bénéficient plus de ce statut français. Par contre, les États africains bénéficient du CFA, qui est un très bon outil économique de contrôle. Oui, de contrôle, oui. Et puis, pire encore, un CFA. Et de paupérisation, oui. Un CFA qui est fabriqué ici à Clermont-Ferrand, ici en France. Oui. C'est une mémise sur, voilà, on va vous libérer. Mais... Comme, sur comme, le développement économique. Comme le dirait n'importe quel économiste, on en fait. Le fait de ne pas... En partie. Exactement, partie. Parce que voilà. Tant que tu n'as pas la main mise sur la monnaie, voilà. Tu ne peux pas être un État exactement. Indépendant. Comme exactement. Mais moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose sur l'assassinat aux migrants. Parce que quand on regarde aujourd'hui la télévision française, on voit les migrants qui voulaient traverser la Manche pour aller en Angleterre. Donc, la plupart... On a les jungles décalées, tout ça. La plupart de ces migrants viennent de l'Afrique de l'Est, ou même de la corne de l'Afrique. C'est-à-dire Éthiopie, Érythrée, Somalie. Soudan, Somalie. Afghanistan. Côté africain. Mais ce qu'on ne voit pas et qui se passe en silence, ce sont les migrants, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et qui travaillaient en Libye, par exemple. L'Afrique de l'Ouest, qui ont transité par la Libye, hein, l'Italie, hein, et puis qui finissent en France, et ils atterrissent où ? Dans les foyers. Oui, ça parce c'est... Parce que si vous voyez l'histoire, les publics de base des foyers... Ce sont des migrants, des immigrés originaires de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Oui, et Mali, Sénégal, Mauritanie, oui, Gambie, ancienne, Guinée, ancienne colonie française, etc. Oui, ça s'explique. Donc, je vais vous expliquer. Ces gens-là, ils viennent dans les foyers. Et l'État, c'est le public français, la population française qui ne le sait pas. Mais les autorités françaises le savent. Donc, ils les pourchassent. Jusqu'à dans les chambres, à l'intérieur, jusqu'à dans les chottes. Et les migrants qui veulent traverser la Manche, ça, on les propose encore les papiers. On les propose les papiers. En fait, il y a deux choses différentes. Oui, c'est de l'hypocrisie. Parce que les relations entre la France et la Grande-Bretagne, ou l'Europe entre la Grande-Bretagne, ces relations ou ces traités qui imposent des contrôles. Voilà. Donc, un immigré ou un immigrant n'a pas le droit, la France n'a pas le droit d'ouvrir les portes de la Grande-Bretagne ou ses portes en tout cas pour exporter des migrants vers la Grande-Bretagne. En fait, la France allait payer pour. Voilà. Oui, parce que ces gens, ils ne veulent pas même demander un dossier. Ils ne veulent pas demander un dossier auprès des préfectures ou bien de l'OFPRA, de l'OFPRA en France. Ils disent, nous voulons aller en Grande-Bretagne, c'est tout. On ne veut pas rester là. Oui, on ne veut pas être régularisé, on ne veut pas avoir... Non, on ne veut pas régulariser en France, nous voulons... Ils veulent régulariser des gens qui ne veulent pas être là. Qui veulent pas être là. Et les migrants... C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et les migrants ouest-africains qui viennent, qui sont dans les foyers, hein, et ça, on les pourchasse pour les retourner, pour les expulser. Et pour les mettre dans les conditions dont monsieur... Et Condé disait, ouais, rétention qui passe jusqu'à 90 jours, hein, voire encore jours. Une prolongation de 45 jours. 135 jours. Vous voyez ça? Oui. Donc c'est une véritable hypocrisie de l'État. On ne comprendra jamais la position de cet État-là qui déambule hein, par-ci, par-là. Voilà. Non, monsieur Boubacar, ne sois pas surpris. Parce que la France, à travers Sarkozy, a signé un accord avec l'Angleterre qu'on appelle l'accord de Tokay. L'accord de Tokay dit que aujourd'hui, l'Angleterre a le plein droit de venir s'installer sa frontière sur le territoire français à Calais pour empêcher le passage des Syriens, des Afghans, des gens qui viennent du Soudan, de l'Érythrée. Or, ces gens, culturellement, ils disent qu'ils ne parlent pas français. Ils parlent anglais, ils sont anglophones. Ils n'ont pas d'attache. Ici en France, ils veulent aller en Angleterre. C'est la France qui les empêche. Nous, moi, à Calais, lors du démantèlement de Calais, j'ai dénoncé l'accord de Tokay. J'ai dit que la France n'a pas le droit. aujourd'hui de retenir ces Syriens, de retenir ces Afghanistan, de retenir ces Soudanais. La France doit les laisser. C'est à l'Angleterre de décider leur sort. Aujourd'hui, nous qui sommes les pays colonisés par la France, nous sommes des colonies françaises. Après l'indépendance, le Mali et le Sénégal ont signé un accord avec la France pour la création des foyers des migrants. C'est un accord qui a été signé par le Mali et le Sénégal en Afrique. Nous sommes des colonies françaises. Nous avons des attaches. L'ancienne colonie. Voilà, voilà. Non, mais c'était un lapsus révélateur pour voilà, moi. C'est l'ancienne colonie. Nous avons des attaches ici en France. Aujourd'hui, je suis colonisé, mon pays a été colonisé par la France. J'ai appris que la langue française, mon intégration se passe plus vite en France que dans un pays où on parle l'allemand, le grec ou l'italien. Aujourd'hui, j'ai plus d'attaches, j'ai plus de malins ici en France que dans d'autres pays. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de migrants sénégalais, maliens, ils sont beaucoup plus ici en France. C'est dû à la langue, c'est dû à l'attachement familial. Mais les Afghans, mais nous on est surpris. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas rester, on leur donne des maisons. Oui. On leur donne des maisons. Ils ne veulent pas rester, on leur donne des maisons. Nous qui travaillons, aujourd'hui, nous-mêmes les Africains qui ont des papiers, qui sont déclarés officiellement, qui payent l'impôt, qui contribuent à l'économie française, fait 10 ans de demande d'une chambre, on ne peut pas avoir. Mais aujourd'hui, on est en train de loger les Afghans et les Syriens. Excuse-moi, juste pour préciser, oui. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui n'arrivent pas à avoir les papiers ou qui ne sont pas logés, même quand l'asile est accordé. Oui, voilà. Mais du coup, c'est vrai que, de façon extérieure, j'imagine quelqu'un qui n'a pas de papier, qui est là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans en France et qui travaille, peut ressentir une espèce de frustration quand il voit un demandeur d'asile avoir son asile accordé et pouvoir bénéficier d'un hébergement. Mais c'est voilà, mais ça ne concerne pas tous les migrants. C'est très peu, en fait. C'est les médias, en fait, et les politiques qui essayent de mettre en valeur quand ils se font taper sur le mauvais accueil des Français, sur les migrants, les réfugiés, patati patata. Mais ceux qui étaient un migrant... Désolé de t'interrompre, parce qu'il est 20h21. D'accord. On finit dans 9 minutes. D'accord. Je vais juste revenir avec Mohamed rapidement sur c'est quoi médiateur, pour quelle association tu travailles, si tu peux me faire ça en 2-3 minutes. Et je voudrais finir après avec Ramata, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des violences policières et de... Par exemple, le gouvernement Macron actuellement, comment tu le sens, comment tu le ressens? Est-ce que pour toi, ça empire ou pas? On va d'abord Mohamed, et après toi. Mohamed, tu peux me dire, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur dans un collège et à quoi ça sert? Je vais expliquer aussi le juste contexte. Pour finir, est-ce que tu es employé par le ministère de l'Éducation nationale ou est-ce que tu as un autre employeur? Tu dépends de qui? Bon. Médiateur social, en fait, ça a été développé, au tout départ, ça n'a pas été développé dans les quartiers dits difficiles d'Île-de-France et de la Seine-Saint-Denis en particulier. Ça a été développé d'abord en Bretagne et dans les pays les pays de la Loire, en particulier à Nantes et à Rennes. C'était mis en expiration donc, dans les départements de l'ouest de la France. Puis on a trouvé ça intéressant de dire, tiens, pourquoi pas, on va outiller ce qu'on appelle maintenant les REP+, anciennement ZEP. Ah d'accord, là tu parles des médiateurs au sein de l'éducation nationale. Au sein de l'éducation nationale, en sachant que le médiateur n'est pas employé par l'éducation nationale. Moi, à titre personnel, comme tous les médiateurs sociaux en milieu scolaire, donc les MS, on est employé par des associations. Moi, c'est une association qui s'appelle PPV, Partenaires pour la Ville à Saint-Denis. Voilà. Et qui t'emploie, qui a un contrat, j'imagine. Qui a un contrat. Avec le département. Avec le département, mais pas spécialement avec l'éducation nationale. L'éducation nationale vient piocher. Ils ont dit, tiens, on va outiller. Ça fait partie des outils dans les zones plus ou moins sensibles. Ah. En l'occurrence, ici, à Saint-Denis. Quand tu dis zone sensible, ça veut dire que quand on dit que tu es médiateur dans un collège, en fait, tu n'es pas médiateur dans un collège, tu es médiateur dans un quartier. Je suis médiateur dans un quartier. Ça veut dire que j'interviens autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Okay. Donc je suis souvent à l'extérieur. On me demande d'être à l'extérieur. Autant c'est en contradiction parce que le collège me demande aussi d'être beaucoup à l'intérieur. D'accord. Comment pour faire la relation? On est là pour faire la relation, en fait, relation quartier, relation famille, entre ce qui se passe au collège et ce qui se passe dans le quartier. En fait, on est juste une goutte d'eau. On est juste un prétexte, histoire d'éponger un petit peu ce qui se passe mal dans le quartier, quoi. Mais bon. En même temps, on nous dit de ne pas faire de prévention. Ça, je laisse ça aux éducateurs spécialisés de quartier. Tout en nous demandant d'être à l'extérieur. À l'intérieur, on nous demande aussi de travailler donc sur trois axes, qui est sur le décrochage scolaire, sur la prévention, sur la violence, mais aussi sur le développement, sur la citoyenneté, sur le civisme. Alors, si je comprends bien, l'État a démissionné de ces quartiers-là, l'État a abandonné ces gens, et c'est les associations qui s'occupent de ces populations. C'est les associations à qui récemment on a coupé, oui. On a coupé les contrats aidés, etc. Oui. Et on leur demande de faire de la médiation. Mais ce n'est pas l'éducation nationale qui intervient. On vient nous piocher. Ils ont déserté. C'est tout. Tout simplement. Les assos travaillent bien dans les quartiers. On se dit, tiens, on va faire intervenir une association. Tout simplement. Donc, mais l'éducation. Ces zones-là, en fait, les gens qui habitent dans ces zones-là n'ont pas droit au service public. C'est plus subtil que ça. Tu as le droit. Enfin, je vais me permettre de dire la vérité. Je t'en prie. Je travaille dans le même collège que lui. Donc, du coup. On échange, on a l'occasion. C'est encore plus subtil que ça. Parce que j'imagine, tu l'as remarqué toi-même ou d'autres, en fait, les services publics dans les villes et les quartiers, ils ont de plus en plus été réduits. Que ce soit au niveau des implantations de quartiers. Peut-être quand tu avais une grande ville comme Saint-Denis, par exemple, tu avais 3-4 antennes de sécurité sociale dans toute la ville, ce qui permettait à des personnes âgées ou des familles nombreuses ou autres de pouvoir y aller vite fait, faire leurs papiers ou quoi. Maintenant, tu as un unique centre pour une ville comme Saint-Denis qui compte 150 000 ou 160 000 habitants. Donc, tu as un centre de sécu. Tu veux juste refaire ta paire de lunettes ? Prends ton après-midi. Oui. Tu prends ton après-midi entière pour faire la queue, juste pour qu'on te mette un tampon sur ton ordonnance ou sur le papier. Non, plutôt sur le devis de l'opticien, juste pour mettre un tampon sur le devis. Il te faut 3-4 heures de queue. La préfecture, kiff. Et encore, tu as pas mal de choses que tu dois faire par Internet avant. Tu veux aller au Trésor public pour retirer juste une feuille d'impôt ou demander un renseignement ou un changement d'adresse, prépare-toi à une demi-journée. La CAF. Déposer la CAF, et ainsi de suite. En fait, les services publics sont de plus en plus réduits dans ces quartiers-là. Oui. Alors que pourtant, bizarrement, les gens continuent à payer leurs impôts, il me semble. Les impôts n'ont pas baissé pour autant. Pour autant. Et que bizarrement, dans les villes où la population moyenne ne connaît pas trop les problématiques de certaines villes populaires avec des quartiers populaires importants, ils ne connaissent pas de problème de queue au niveau du trésor public, au niveau de la sécurité sociale. T'arrives, c'est free. C'est comme du beurre. Tu rentres, tu passes, ça te prend 5 minutes, comme dans n'importe quel autre service public à l'époque des années 80 ou 90. Là, c'est beaucoup plus subtil. En fait, tu as un désengagement de l'État, du département ou des régions sur pas mal de choses qui se fait petit à petit et qui laisse les gens sur le terrain sans moyens, sans outils pour pouvoir répondre à des problématiques, pour pouvoir intervenir. Quoi que ce soit, on est en collège Ré+, certes, c'est un collège qui a à peu près 400 élèves en moyenne. Beaucoup de collèges ont 600, 700 élèves, voire 800, 900 élèves. Là, il y a un petit peu plus de moyens accordés au niveau des surveillants, par exemple. Tu as des assistants pédagogiques qui sont censés accompagner ou aider le professeur pendant son cours ou accompagner les élèves pour les études, quoi que ce soit. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un déficit, par exemple, de profs de maths au niveau national en France. Que tu habites à Neuilly-sur-Seine ou que tu habites à Saint-Denis, tu as beaucoup de chances de tomber sur un prof de maths qui n'est pas titulaire, donc qui n'a pas fait de concours, qui n'a pas l'expérience de la formation ou quoi pour enseigner les mathématiques, mais d'un contractuel, de quelqu'un qui a un certain niveau, bac plus 5, bac plus 3, bac plus 6, et à qui on laisse par carence, en fait, où tu perds un poste de prof de maths. Mais du coup, ces gens-là n'ont jamais été formés. Et franchement, en mathématiques, le niveau il est catastrophique pour la plupart des élèves. À qui on promet le bac, un avenir radieux s'ils font des grandes études, mais on ne leur donne pas les moyens en fait, d'apprendre. Donc, l'éducation est sacrifiée au profit des forces de l'ordre. À qui on octroie des moyens supplémentaires, des jolis jouets. Absolument. Tout ce qu'il faut en fait. Pour mieux nous tuer, mieux nous torturer. Mais vu qu'on connaît une situation de plus en plus catastrophique avec une population de plus en plus nombreuse et que beaucoup de classes sont de plus en plus touchées, l'État se prépare au pire automatiquement. Parce qu'en fait, en général, les gens bougent quand ils sont au pied du mur. Quand tu crèves la dalle, là, tu bouges. En général, tu ne bouges pas trop avant. Tu essaies de faire attention. Je veux dire, quand tu arrives à t'en sortir à la fin du mois, tu te dis, bon, là, comme c'est, ça va, je continue comme ça, je n'ouvre pas trop ma gueule, je travaille, je continue. Mais l'État sent très bien que la situation est de pire en pire. On a un taux de chômage officieux de 18-20 et officiel de 10%. Mais le système, on sent qu'il ne tient pas. Dans ces populations-là, ça dépasse les 25%. Largement. Et voire les 30%. Du coup, Ramata, je suis obligé de te couper. Je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, mais là, on doit laisser place à l'émission d'après qui démarre à 8h30. Dommage, on avait encore beaucoup de choses à dire. On compte sur vous le 17. Voilà. On espère que vous serez là avec nous. Parce que c'est très important, personne n'est à l'abri. L'état d'urgence est rentré dans le droit commun. Et donc, nous sommes tous des cibles potentielles des violences policières, des violences d'État. Merci donc, beaucoup, Ramata. Venez. Merci à vous tous. Vous. Je suis désolé pour Sissoko parce qu'on avait pris un son, on l'avait enregistré pour le faire passer ce soir pour l'appel à manifester. Nous invitons tout le monde à venir manifester le 17 mars. Et rendez-vous le 17 mars. Comme a dit Ramata, soit on est victime ou on est future victime. C'est ça. Donc pour empêcher ça, oui. Qu'il y ait d'autres victimes de violence policière, il faut venir manifester, montrer à Macron que nous rejetons la violence policière. Voilà. Merci à tous et à tous. Et l'émission Fond Près du Réseau va vous dire au revoir et bonne soirée. Et on laisse place à Doubout avec Lucien. Coordination 75 des sans-papiers est l'un des porte-paroles de l'Union nationale des sans-papiers. L'heure est grave et nous avons besoin de vous le 17 mars parce que le racisme d'État tue, le nouveau ministre de l'Intérieur fait la chasse aux migrants, mais aujourd'hui on va de plus en plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la rétention, rien que ça, la rétention est de 45 jours. Bon, ce projet de loi va l'augmenter à 90 jours. Et en plus, il donnera la possibilité au juge que je viens de dénoncer de prolonger de 15 jours si le sans-papier a refusé l'avion ou si le sans-papier a demandé un réexamen de dossier. Aujourd'hui, si les gens sont frappés d'obligation à quitter le territoire à partir de cette loi, s'ils ne les appliquent pas, donc ça veut dire qu'ils seront interdits définitivement du territoire. Moi, c'est Aline Traoré, je suis de Intégration 21, donc membre aussi de l'UNSP et de la Coalition internationale aussi des sans-papiers migrants. Donc nous, cette lutte, on le voit, c'est pour sauver nos frères africains et nos frères du tiers-monde qui viennent en Europe pour, à la recherche d'un avenir meilleur. Donc, s'il y a des morts en Méditerranée, c'est parce que les gens fuient la guerre. C'est pourquoi il est très important pour nous de mobiliser et de manifester le 17 mars contre les violences policières, contre le rapt des migrants, contre le rapt des sans-papiers. Donc, pour clarifier aussi qu'il n'y a jamais eu de politique migratoire en France, il n'y a qu'une police de la migration. Donc, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de flot. Parce que les mêmes nombres depuis 2000, le nombre de migrants qui sont venus en 2000 sont supérieurs à ce qui est venu aujourd'hui. Et les pays africains accueillent plus leurs voisins que l'Europe. Parce que ceux qui viennent ici représentent que 6% de la migration mondiale. Moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3 Radio.